Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un mag qui se voudra culturel aujourd'hui. En effet, dans cette édition, on vous emmène du côté de Limeray, où la 9e édition des Nuits de la Lecture s'annonce riche en découvertes littéraires. Cette année, le thème met à l'honneur le patrimoine, alors quoi de mieux que d'inviter une autrice de la région pour partager des moments choisis de son univers. Carole Ewan, romancière tourangelle ville-domérienne, sera au rendez-vous ce vendredi 24 janvier 2025 à partir de 19h à la bibliothèque de Limeray. Elle proposera des lectures de ses œuvres, notamment des extraits de ses romans « Les chaussettes orphelines » et « Merci les amis pour vos recettes toutes pourries ». Après des études en langues étrangères qui l'ont conduite à séjourner en Italie, puis en Angleterre, Carole Ewan a débuté sa carrière en tant qu'assistante commerciale export. Toujours passionnée par les langues et les voyages, elle s'est par la suite orientée vers la traduction, se spécialisant dans l'italien vers le français. Cette immersion dans les mots a éveillé son envie d'écrire, la poussant à publier son premier roman « Laura, vie passée, destin partagé ». Elle s'est également illustrée avec deux recueils de nouvelles, « Et si toutes les histoires commençaient par un café » et « Petits bonheurs en chocolat ». Plus tard, elle s'est lancée dans une aventure littéraire dédiée à sa fille Déborah en écrivant une série de petites histoires de sorcières. Les trois premiers volets, intitulés Frisette la petite sorcière, Frisette et ses recettes et Frisette et ses copinettes, mêlent imagination et tendresse. Carole Ewan, c'est donc, vous l'aurez compris, une autrice multifacette qui jongle entre la littérature jeunesse et l'écriture de romans et de nouvelles en direction des plus grands. Elle nous l'expliquait lors de sa venue au studio de Radioactive dans l'émission de Catherine Exquise Exquise. J'ai écrit effectivement toute une petite collection pour les enfants avec Frisette la petite sorcière, qui est une petite sorcière rigolote qui aime bien faire des rimes pour les enfants à peu près entre 4 et 7 ans. Donc voilà, c'est une première partie et j'ai une deuxième partie où là ce sont plus des romans pour les adultes. J'ai écrit deux romans qui se passent en Touraine, Les chaussettes orphelines et Merci les amis pour vos recettes toutes pourries. Donc là, ce sont vraiment des romans rigolos pour amuser les gens. Par exemple, Les chaussettes orphelines, c'est quatre amis qui veulent résoudre cette fameuse énigme pour qu'on se retrouve avec des chaussettes orphelines chez soi. Et elles vont donner des solutions, voilà, qui sont rigolotes. Il y en a une qui est assez drôle dans le livre, qui fait rire les amis. En fait, il y en a une qui croit dur comme fer que ce sont les lutins dans les maisons qui les cachent. Bon, voilà, c'est vraiment pour rire. Voilà, c'est vraiment des solutions qui sont farfelues. Donc on va à la chasse aux lutins. Oui, voilà, c'est des solutions farfelues. Et en même temps, c'est une belle histoire d'amitié. Et donc, avec ces deux romans, Les chaussettes orphelines et Merci les amis, ce sont des amis qui se trouvent à la sortie de l'école de Ville-Domé. D'accord, alors je précise, les amis IES. Voilà, oui, oui. Donc, il y a aussi des scènes au château d'Amboise ou à Tours, etc. Et alors, un exemple de recette toute pourrie ? Alors, il y en a une, par exemple, qui va faire une mousse au chocolat avec du jus de pois chiche. Avant d'écrire, tu as essayé ? Non, j'ai pas essayé. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de devenir auteur ? Les gens autour de moi me disaient que j'avais beaucoup d'imagination, chose dont je me rendais pas compte en fait, et que j'avais aussi l'écriture facile. Alors souvent, en fait, on a des choses qui nous caractérisent, mais on s'en rend pas compte. Oui. C'est nos proches qui nous interpellent. Donc voilà, d'un côté. Et de l'autre côté, j'étais traductrice, en fait, de l'italien vers le français. Ah oui. Donc j'ai beaucoup écrit, essayé de chercher les bons mots. Et petit à petit, j'ai aimé voilà, ce côté-là de l'écriture. Et donc au fur et à mesure, j'ai commencé, en fait, au départ, à écrire des petites histoires que je pensais envoyer à un magazine ou plusieurs magazines. Et toutes ces petites histoires, il y avait la même héroïne. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je peux regrouper ces petites histoires. Et c'est là que j'ai commencé à faire mon premier roman, Laura. Donc je suis arrivée après à écrire des recueils de nouvelles. Puis ma fille, quand elle était petite, j'ai voulu créer le petit personnage de Frisette la petite sorcière. Donc j'ai écrit ce petit personnage. Et ensuite, après, quand il y a eu le Covid, où tout le monde était enfermé chez soi, j'ai eu envie de mettre un peu de bonne humeur. Et c'est là que j'ai écrit Les chaussettes orphelines. J'en avais marre de voir que les gens étaient moroses, tristes. Je me suis dit, mais j'ai envie de les faire rire. J'ai envie de leur apporter de la bonne humeur. Oui, on en avait besoin. Oui. Voilà. Et même maintenant, je me rends compte que les gens aiment ce côté un peu de livres qui font rire ou sourire. Voilà, qui fait du bien. voilà. fait du bien. Avec son style pétillant et chaleureux, Carole nous promet donc de beaux moments de lecture ce vendredi 24 janvier à 19h à la bibliothèque de Limeray, dans le cadre des Nuits de la Lecture, où des jeux seront également à disposition des petits et des grands. Si vous voulez en découvrir plus sur son univers, vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook « Carole Ewan, auteur ». C'est la fin de ce mag, on se retrouve demain à 18h et je vous rappelle que nos podcasts sont en ligne sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. À très vite !